de ses fesses, j'aimais les petits duvets peu perceptibles, mais très noirs une fois observés. Comme c'était son propre derrière, il échappait à sa surveillance épilatoire. Comme une touche masculine sur son corps, ses fesses, elle ne les faisait sortir que par les rapports de haut talon. J'aimais aussi un singulier repli de son anus qui sortait un peu à droite si observé en position de 69. Elle me faisait dépérir. Elle avait le goût de ne pas porter de tatouages ni similaires, ce qui m'amenait à pas la considérer une prostituée. En revanche, chaque fois que je revenais de l'atelier, je la trouvais les cons rassés et très humides. Elle m'a appris à me servir de l'aloe vera pour la peau et pour la digestion, aussi bien à utiliser les toxiques psychotropes qui se dégagent de la tige au moment de la couper. Très amer. J'ai appris à rester nu à la fenêtre ouverte quand c'est l'hiver, accroupi et insensible au froid, à vivre sans eau chaude et sans papier hygiénique. J'ai appris un peu de cuisine telle qu'on ne peut la trouver qu'au Verbillier ou à Pantin. Par exemple, des briques à l'œuf qui font faire 10 000 tours, celles des restaurants maghrébins de luxe à Paris qui semblent pré-cuisinés en comparaison. J'ai appris à ne plus acheter comme du canard bon marché un congelé marqué DAC au magasin chinois et qui consiste en des pâtes malodorantes de canard. Seule la partie immangeable est coriace. J'ai appris qu'on pouvait acheter toutes les parties des animaux chez les Chinois et qu'au restaurant on pouvait demander du pénis de bœuf. J'ai mangé souvent du tilapia. J'ai mangé souvent de la pizza avec un œuf pour chacun. J'ai pris souvent du café, du thé japonais, des brandilles fumées, mais jamais du lait. J'ai fait les courses au marché parfois avec elle, dans une ambiance derviche. J'ai réduit ma peinture pendant à peu près 2 années. À des collages hallucinés sortis de mes messages textos au feutre.